Père, nous bénissons ton nom. Bwana tunalibariki jina lako. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Utawala nguvu na mamlaka ni yako milele na milele. C'est toi qui nous approches de toi-même. Ni wewe ndio unatukaribisha na wewe mwenyewe. Il est écrit, personne ne vient au Père. Imeandikwa kuna kujai kwa baba. S'il ne l'appelle. Kama baba hajamuita. C'est toi qui nous attire, Seigneur. Ni wewe ndio unatuvuta Bwana. Ce soir, attire-nous encore. Jioni ya leo tuvute tena. Touche nos cœurs, Seigneur. Gusa mioyo zetu Bwana. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je vais tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Tunasimama sote pamoja. Des moments comme celui-ci, ce sont des moments précieux. Wakati kama na huu ni wakati wa samani sana. Hier, on était en train de nous montrer une torche. Jana walikuwa wanatuonyesha taa. Et celui qui est plus proche de la torche voit bien. Na anayekuwa karibu na taa anaona vizuri. Et peut comprendre mieux. Na anaweza kuelewa vizuri. Il est plus éclairé. Anaangaziwa vizuri. Celui qui est en distance. Na anayekuwa kwa umbali. A une lumière pâle. les vérités sont pâles. Na ukweli unakuwa kidogo. Même la compréhension de soi-même, elle est pâle. Hata kujielewa yeye mwenyewe inakuwa giza. Même comprendre ses propres problèmes, c'est pâle. Hata kuelewa shida zake mwenyewe inakuwa kidogo, lakini sidu nasogea karibu. Na uwepo wa Mungu. La compréhension de tes problèmes devient vive. Kuelewa hata shida yako inakuwa vivement ton problème. Unaelewa ukiungua shida zako. Aussi longtemps que tu n'as pas bien compris ton problème. Lakini zidi haujaelewa shida yako. Solution aussi de manière pâle. Unatafutisha hata suluhisho kidogo kidogo. Mais quand tu comprends vivement ton problème, lakini ukielewa vizuri shida yako, tu cherches la solution vivement. Unatafuta suluhisho kwa kuwa avec violence. Unatafuta suluhisho kwa ukali. Tu ne blagues pas avec toi-même. Na haucheze na wewe mwenyewe. Tu es conscient que c'est grave. Unaelewa ya kwamba ni hatari. Et que c'est maintenant ou jamais. Na unasema ni hapa. Tu veux s'approcher davantage de Dieu. Kuna mtu ambaye anatafuta karibu sana na Mungu. Na useme Bwana unipokee, univute karibu na wewe Bwana. Unirudishe zaidi. Na moyo wangu unachoka. C'est pour ça que le diable se moque de toi. Na ndio maana shetani anakuwa akikusihaki. Le diable te manipule. Shetani anakuwa akikuchezesha. Ton cœur est dilué. Moyo wako unachoka. Dio Seigneur, ukwambie Bwana unisaidie. Rend vif. Wende ukafanye moyo wangu ukue. Ma compréhension de Dieu. Na nielewe Mungu. Rend vif. Unifanye niugue. Ma compréhension de toi. Ndani ya kukuelewa wewe. Ma compréhension de moi-même. Ndani ya kuchielewa mwenyewe. Est-ce que je me comprends? Je nachielewa mwenyewe. Est-ce que je comprends mes problèmes? Je naelewa shida zangu. Est-ce que je comprends ma destinée? Je naelewa hatima yangu. Seigneur, je suis éloigné de la réalité de ma destinée. Bwana niko mbali na ukweli wa hatima yangu. Na ningependa nielewe vizuri. Alors, sasa uniangazie. Illumine mon esprit. Wende kangazie roho yangu. Augmente ta lumière. Na wende kalete nuru yako. Seigneur, omba Bwana. Augmente ta lumière dans mon âme. Augmente ta lumière dans mon esprit. Augmente ta lumière dans ma compréhension. Open my understanding. Ouvre ma compréhension. Quelqu'un prie le Seigneur. Seigneur, ouvre mon esprit. Que ta lumière soit ce soir. Que ta lumière soit ce soir. Que ta lumière vienne ce soir. Que ta lumière pénètre ce soir. Tu es la lumière du monde. Tu as dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous voulons la lumière de la vie ce soir. Libère ta lumière en moi. Libère ta lumière dans mon esprit. Libère ta lumière dans ma compréhension. Libère ta lumière dans mes sentiments, dans mes pensées, dans mon entendement. Éclaire mon entendement. Ayakabashantana. Ekaboshetelebasa. Kete kaboshetelebasa. Prie pour ton cœur. Obey moi wako. Prie pour ton cœur. Obey moi wako. Amène-moi plus près de toi, oh Dieu. Sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur. Il est écrit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Des décisions que tu dois prendre. Et ton cœur est dilué. Il y a des portes qui te sont ouvertes. Mais tu ne les vois pas encore. Tu as l'impression que c'est une fenêtre. Alors que c'est une porte. Tu as l'impression que c'est une peinture noire sur un endroit. Alors que c'est la porte. Il te faut plus de lumière dans ton esprit. Pour que tu vois clairement que la porte est ouverte. Courez donc dans la carrière qui nous est ouverte. Cours dans la carrière qui t'est ouverte. Cours dans la carrière qui t'est ouverte. Yesu kuja nisaidia. Parle à mon cœur. Zungumzia moyo wangu. J'ai besoin de toi. Ninakuhitaji. Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Alleluia. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Dites Seigneur. Sema Bwana. On t'appelle Yahweh. Wanakuita Yahweh. Tu y es. Wewe yuko. Depuis l'éternité. Tangu milele. Quand je suis arrivé. Nilipofika. Tu étais déjà. Ulikuwa umeshakuwa. Ma vie est si courte. Maisha yangu ni mafupi sana. Je voudrais la rentabiliser. Na ningependa nifaidishe. Mais je stagne. Lakini nabaki fasi moja. Et l'ennemi a initié des choses pour m'arrêter. Je ne veux pas, Seigneur. Sitaki Bwana. Yahweh. Yahweh. Je veux avancer. Nahitaji kuendelea. Ouvre mon esprit. Wendo kafungue moyo wangu. Afin que je comprenne les Écritures. Ili niweze kuelewa maandiko. Ouvre mon cœur. Wendo kafungue. Afin que je sorte de ce brouillard. Ili niende nikaondoke ndani. Que je sorte de cette ténèbre. Niende nikaondoke ndani ya giza. J'ai longtemps désiré avancer. Nimehitaji tangu zamani kuendelea. Mais jusqu'ici je ne comprends pas. Lakini hadi sasa sijaelewa. Seigneur mon Dieu. Bwana Mungu wangu. Délivre-moi. Nifungue. Du joug. Toka nira. De l'ennemi. Ya adui. Père, merci. Baba, sante. Parle à nos cœurs. Zungumzia mioyo yetu. Ce soir. Jioni ya leo. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Nous invitons la servante de Dieu, Pasteur Rosette. Wa Mungu, Mchungaji Rosette. On acclame, on l'accueille. Tunamshangilia, tunamkaribisha. Alléluia. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde encore cet après-midi. Tunambariki Bwana kwa heshima na neema ambayo anatupatia tena jioni ya leo. De nous retrouver dans sa présence. Ya kukua ndani ya uwepo wake. Kulekute. Kwa kumusikiliza. Amen. Amen. Nous disons merci au pasteur et au conseil de l'église pour la marque de confiance qu'il a renouvelée à notre égard. Tunasema asante kwa mchungaji na baraza yote ya kanisa kwa tumaini ambao tena wameweka juu yetu. Nous allons prier. Tutaomba. Père éternel, nous nous confions à toi. Baba, tunakuja mbele zako. Tu nous as convoqués pour parler à nos cœurs. Umetualika ili uzungumzie mioyo zetu. Tu nous as parlé depuis plus d'une semaine. Umetuzungumzia tangu wiki moja. Et tu continues encore à nous parler. Na unaendelea kutuzungumzisha. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Tuko hapa kwa ajili yako Bwana. Parle, Seigneur de gloire, au travers cet instrument que tu as choisi. Acha wendo kazungumze Bwana kupitia chombo hiki ulichochagua. Que tu croisses et que je diminue. Wewe wendo kakomae na mimi niende nikashuke. C'est toi qui connais les désirs, les besoins dans leur cœur. Ni wewe ndio unayejua hitaji zetu. Et c'est toi qui connais ce que tu as prévu pour chacun de nous. Na ni wewe ndio unajua uliotayarisha kwa ajili ya kila mmoja wetu. Atteins tes objectifs ce soir. Wendo kazifikie shabaha zako jioni ya leo. Dans la vie de chacun de nous. Ndani ya maisha kila mmoja wetu. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Tu vas acclamer le Seigneur. Utashangilia Bwana. Nous continuons dans notre thème vaincre la stagnation. Tunaendelea ndani ya mada yetu kushinda kubaki fasi moja. Et depuis plus d'une semaine. Na tangu wiki moja. Les hommes de Dieu sont passés ici. Watu wa Mungu walipita hapa. Nous a parlé longuement de ce thème. Na waliweza kutuzungumzia juu ya mada hii. Pour nous montrer que la stagnation c'est une réalité. Ili watuonyesha kwamba kubaki fasi moja na kuwa kweli ndani ya maisha watu. Auquel nous faisons face chaque jour. Na tunaikutana kila siku. La stagnation ne concerne pas seulement les chrétiens. Kubaki fasi moja haihusu tu wa Kristo. Mais la stagnation est aussi dans la vie même des païens. Lakini kubaki fasi moja unaonekana hata ndani ya maisha wa pagani. Et c'est un fléau. Na inakuwa ni kitu mbaya. Auquel nous devons lutter. Ambao tunapaswa kupiganisha. Notre berger nous a parlé de la stagnation et nous a montré que lorsque Dieu nous a créé au commencement. Mchungaji wetu aliweza kutuzungumzia juu ya kubaki fasi moja na katuonyesha kwamba Mungu alitupotuumba mwanzoni. Il nous a créé pour que nous puissions progresser. Alitumba ili tuendelee. Il nous a démontré cela dans les versets de Genèse chapitre 1 au verset 28. Na katuonyesha hiyo ndani ya kitabu cha Mwanzo 1:26. Parla de la mission que Dieu a donnée à l'homme d'être fécond, de se multiplier, de dominer. Akizungumzia kazi ambayo Mungu alimpatia mwanadamu azae azidishwe na aweze kutiisha. Il nous a expliqué longuement par rapport à cette mission que le Seigneur nous a donnée et cette capacité que Dieu nous a donnée de progresser. Na aliweza kutuzungumzia sana juu ya kazi ambayo Mungu alitupatia na ile uwezo ambao alitupatia ili tuweze kuendelea. Et il nous a aussi montré que rater la progression c'est arriver en retard. Ou rater même d'arriver. Na katuambia kwamba kupoteza kuendelea ni kufika umechelewa ama kutofika. Le pasteur Noah nous a parlé des causes de la stagnation. Na mchungaji Noah aliweza kutuzungumzia juu ya sababu ya kubaki fasi moja. Et il a cité quelques causes. Na aliweza kutaja sababu fulani. Entre autres, le manque de connexion avec Dieu. Ikiwamo kukosa uhusiano pamoja na Mungu. Nous a parlé de la rébellion. Alituzungumzia juu ya uasi. The manque de compréhension. Alituzungumzia juu ya kukosa kuelewa. Hier nous a parlé de que faire pour vaincre la stagnation. Na jana alikuwa akituzungumzia juu tufanye nini ili tuweze kushinda kubaki fasi moja. Et aujourd'hui nous allons continuer sur cette même lancée. Na leo tutaendelea tu ndani ya wazo hile. Nous allons parler aujourd'hui et demain. Na tutazungumza leo na kesho. Sur un sous-thème que j'ai intitulé juu ya mada ambayo ninaweza kusema être vivant pour vaincre la stagnation. Kuwa hai ili uweze kushinda kubaki fasi moja. Être vivant pour vaincre la stagnation. Ili ushinde kubaki fasi moja. Alléluia. Amen. Nous prenons nos bibles, nous lisons Josué chapitre 1. Tunachukua biblia zetu tunasoma ndani ya kitabu cha Yoshua sura 1. Le verset 5. Mstari wake wa 5. Nous allons aussi lire Jean chapitre 10, le verset 10. Tutasoma pia ndani ya kitabu cha Yohana 1 mstari wake wa 10. Et nous allons lire Actes chapitre 17, le verset 28, la partie A. Na tutasoma ndani ya kitabu cha Matendo ya Mitume 17:28 sehemu yake ya kwanza. Josué chapitre 1er le verset 5. Yosua sura 1 mstari wake wa 5. La Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia hivi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Point. Vous avez vu le point? Mnaona njisi Biblia inasema hakuna mtu atakaye kushinda siku zote kabla utakapoisha, ishi kisha wanaweka nukta. J'aimerais que nous puissions lire cette phrase ensemble. Ningependa tusome hii msemo pamoja. Nul ne tiendra devant toi. Hakuna mtu atakaye kushinda. Tant que tu vivras. Kabla utakapoishi. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Kama nilivyokuwa na Musa na sitakuachilia. Je ne t'abandonnerai point. Na sitakutupilia. Jean chapitre 10. Yohana sura 10. Le verset 10. Mstari wake wa 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mwizi anakuja ili aibe, aharibu na kuua. Moi, je suis venu en fait que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Lakini mimi nimekuja ili wana kondoo waupate uzima na waupate kwa utele. Acte chapitre 17. Matendo ya Mitume sura 17. Acte chapitre 17, le verset 28. Matendo ya Mitume 17:28. Nous allons lire juste la première partie. Tutasoma tu ile sehemu yake ya kwanza. Car en lui nous avons la vie. Maana ndani yake tuna uzima. Le mouvement. Tunakutenda. Et l'être. Na kuendelea kuwa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous rentrons dans notre passage de Josué chapitre 1er le verset 5. Tunaporudi ndani ya andiko letu la Yoshua sura 1 mstari wake wa 5. Nous avons lu tous les versets 5. Tumeweza kusoma ile shahili yote ya 5. Mais la partie qui nous intéresse le plus. Lakini sehemu ambayo inatuhusu sana. C'est la première phrase. Inakuwa ile msemo ya kwanza. Et notre méditation pendant ces deux jours. Na kutafakari kwetu neno kwa hii siku mbili. Va tourner autour de cette phrase. Itakuwa ikizunguka juu ya msemo huu. Nul ne tiendra devant toi. Hakuna atakaye kupinga. Tant que tu vivras. Kabla utakapokuwa unaishi. Alléluia. Amen. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Hakuna atakaye kushinda kabla utakuwa ukiishi. Lorsque nous parlons de vivre dans ce passage. Tunapozungumzia kuishi ndani ya andiko hili. C'est différent d'exister. Ni utofauti wa kuwa. C'est différent de respirer. Ni utofauti wa kupumua. Josué était en train de respirer lorsque le Seigneur lui a adressé cette parole. Yoshua alikuwa anapumua wakati Mungu alimtangazia neno hili. Il existait. Alikuwa. Il vivait. Alikuwa naishi. Mais Dieu lui dit. Lakini Mungu anamwambia. Rien ne va te résister. Hakuna kitakacho kupinga. Tant que tu vivras. Wakati utakuwa ungali naishi. Est-ce que Dieu est en train de parler de cette vie ordinaire, cette vie que nous connaissons, que quelqu'un est en train de vivre, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas mort, il respire, il vit. Je Mungu iko nazungumzia maisha kawaida ambayo tuko tunaona, mtu anapumua, ni kusema hakufe na naishi. Beaucoup de gens existent mais ne vivent pas. Watu wengi wako lakini hawaishi. Ils existent, ils sont là. Wako hapo. Ils coulent seulement avec la vie. Na wanaendelea tu na maisha. Mais ils ne vivent pas. Lakini hawako hai. Vivre, c'est exécuter le plan de Dieu pour ta vie. Kuishi ni kutimiza mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Vivre, c'est connaître ton nom divin. Kuishi ni kujua jina lako la kimungu. Et travailler pour exécuter ce nom divin. Na utumike tu utimize jina hilo. Afin que cela soit une réalité dans ta vie. Ili hiyo iwe kweli ndani ya maisha yako. Tant que tu ne connais pas ton nom divin et tu n'es pas en train de travailler pour que ce nom divin soit une réalité dans ta vie pour accomplir la mission que Dieu a assignée à ta vie. Kabla haujajua jina lako la kimungu na haujaanza tumika ili utimize kazi ambayo Mungu aliweka juu ya maisha yako. Tu n'es pas en train de vivre. Hauko naishi. Car le fait de respirer ne peut pas empêcher que l'ennemi t'attaque. Sababu kupumua yako haiwezi acha adui asikushambulie. Le fait d'exister ne peut pas empêcher au diable de te bloquer de t'arrêter. Kuwa kwako haiwezi kuacha shetani asikushambulie na kusimamishe. Alléluia. Amen. Vivre c'est quoi? Kuishi ni nini? Selon Dieu. Kufuatana na Mungu. Vivre c'est avoir Dieu. Kuishi ni kuwa na Mungu. Avoir Dieu. Kuwa na Mungu. À toi. Ndani yako. Avec toi. Pamoja nawe. C'est ça vivre. Hiyo ndio kuishi. Dieu dit, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Mungu anasema hakuna atakaye kupinga. En d'autres termes, on peut paraphraser en disant, nul ne tiendra devant toi tant que tu seras avec Dieu. Kwa maneno mengine tunaweza kusema hakuna atakaye kupinga kabla utakuwa ungali pamoja na Mungu. Le passage que nous venons de lire dans Jean chapitre 10, le verset 10. Andiko ambalo tunatoka kusoma ndani ya Yohana 10 mstari wa 10. Jésus-Christ dit, Yesu Kristo anasema, Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Ili wana kondoo waupate uzima. Hallelujah. Amen. Qu'ils aient la vie. Wapate uzima. Ces brebis-là ne sont pas morts. Wale wana kondoo hawakufi. Il respire. Wanapumua. Mais Jésus-Christ dit, je suis venu afin qu'ils aient la vie et la vie effective. Na uzima huo upate uzima wa kweli. C'est seulement lorsque quelqu'un a Dieu qu'il peut prétendre qu'il est en train de vivre. Ni wakati mtu ana Mungu ndipo anaweza kusema ya kwamba anaishi. Vivre selon Dieu c'est quoi? Kuishi kufuatana na Mungu ni nini? Vivre selon Dieu c'est être en bon terme avec Dieu. Ni kukua na ushirika mzuri pamoja na Mungu. Avoir une relation transparente avec Dieu. Ni kuwa na uhusiano mzuri pamoja na Mungu. Être capable d'arriver devant Dieu à tout moment et parler avec Dieu sans culpabilité. Kuwa na uwezo wa kumkaribia na Mungu na kuzungumza naye bila kujihukumu. Hallelujah. Amen. Le peuple de Dieu, lorsque nous les voyons dans la marche avec Dieu. Watu wa Mungu tunapowaona ndani ya Quand ils étaient dans le désert, le peuple d'Israël. Walipokuwa ndani ya jangwa taifa la Israeli. Chaque fois qu'ils s'éloignaient de Dieu. Kila mara walipoenda mbali na Mungu. Il y avait des résistances. Kulikuwa vipingamizi. Ils continuaient à vivre. Waliendelea kuishi. Mais il y avait des résistances. Lakini kulikuwa vipingamizi. Ils pouvaient aller combattre avec une petite ville qu'on appelle Ai. Na wangeenda kupigana na mji mdogo wanaoita Ai. Mais comme le Seigneur n'était plus parmi eux. Lakini sababu Bwana kuwa tena pamoja nao. Il y a des obstacles. Kulikuwa vipingamizi. Vivre c'est quoi? Kuishi ni nini? Vivre c'est avoir l'onction activée. Ni kuwa na upako ambao unawaka. C'est ça vivre. Hiyo ndio kuishi. Nous allons essayer d'expliquer ces choses demain. Tutaweza kufasiria haya mambo kesho. La plupart des fois nous nous approprions les promesses de Dieu. Mara nyingi tunakuwa tukichukua ahadi za Mungu. Et lorsque cette promesse de 2019 année de mes avancées irrésistibles. Na wakati ahadi hii ya mwaka 2019 ya kuendelea bila kupingwa ilipofika. Tous nous avons sauté. Sote tuliruka. Et nous avons dit je reçois. Na tukasema napokea. Et nous avons mis l'offrande pour semer cela. Na tukaweka sadaka ndani ya kikapo kwa kupanda mbegu juu ya. Alléluia. Amen. Mais est-ce que nous sommes vivants? Lakini je tunaishi? Est-ce que nous vivons pour que cette promesse soit une réalité dans nos vies? Je tuko hai ili ahadi hii uwe ukweli maishani mwetu. Il dit Nul ne tiendra devant toi. Anasema hakuna atakaye kupinga. Tant que tu vivras. Kabla utakuwa ungali naishi. Aussi longtemps que tu vivras. Unaendelea kuishi. Tu es en train de dire cette année personne ne va me résister, rien ne va me résister. Je vais avancer. Et vraiment nous le disons avec assurance. Na tunaisema na uhakika mwingi. Mais est-ce que nous sommes en train de vivre? Lakini je tuko hai? Pour que cela s'accomplisse dans nos vies. Hiyo itimilike ndani ya maisha yetu. Comment tu attends cette promesse? Unasikiliza namna gani ahadi hii? Komati lata. Unaingojea. Unaingojea namna gani? Tu l'attends comment? Puisque si tu ne vis pas, bien-aimé, que tu le veilles ou pas, la stagnation vraiment c'est ton ami, même pas ton voisin. Sababu kama hauishi kubaki fasi moja ni rafiki yako. Est-ce que tu peux dire à ton voisin? Je unaweza kumwambia jirani yako. Sortir de la stagnation. Kutoka ndani ya kubaki fasi moja. Exige la responsabilité de ta part. Jukumu kwa ngambo yako. Cette promesse ne concerne que des personnes qui vivent. Ahadi hii inahusu tu watu wanaoishi. Seulement des personnes qui vivent. Watu tu wanaoishi. Ne peuvent pas connaître des stagnations. Hawawezi kubaki fasi moja. Ne peuvent pas avoir des gens, des ennemis qui vont se tenir devant et pour leur mettre des bateaux dans les roues. Hawawezi kuwa na maadui ambao watawapinga. Seulement les gens qui vivent. Ni watu tu wanaoishi. Hallelujah. Amen. Vous savez, mnajua, quelqu'un qui dort, mtu ambaye analala, ou qui est assise, ama ambaye anakaa, ou qui est mort, ama ambaye anakufa, le diable ne, il n'intimide pas le diable vraiment, il n'est pas un danger, il ne constitue pas un danger. Hawezi kumwogopesha shetani na si hata kwa shetani. Puisque le diable voit bien sa position. Sababu shetani anaona njisi anakaa. Il voit bien que celui-là il est déjà mort. Na naona huu ameshakufa zamani. Celui-là. Huyu. Vraiment il a croisé les bras. Amepachika mikono. Ashaitika defaite. Et il a accepté la défaite. Je n'ai pas affaire avec lui. Na sina shida naye. Celui-là. Huyu. Il est dans les sommeils profonds. Ameingia ndani ya usingizi wa ndani. Je n'ai puisque tu ne constitues pas un danger. Wewe si hatari kwake. Quelqu'un qui dort. Mtu ambaye analala. Est-ce qu'il constitue un danger? Je ni hatari. Non. Hapana. C'est la raison pour laquelle le diable ne se préoccupe pas beaucoup de ces gens-là. Na ndio sababu shetani hawezi. Mais quelqu'un qui est éveillé. Lakini le diable ne sait pas si anaamka. Le diable ne connaît pas si quand il va se lever, s'il va aller à gauche ou à droite. Ou il va aller devant ou derrière. Shetani ajue kwamba wakati atasimama atenda kusoto kuume mbele ama nyuma. C'est la raison pour laquelle le diable se prépare. Na ndio maana shetani anajitayarisha. Et met déjà des garde-fous pour garder pour que cette personne là ne puisse pas atteindre l'objectif. Na ananza kuweka vibambazi ile ule mtu asifikie kwenye shabaha yake. Hallelujah. Amen. Les mamans, je vais vous poser une question. Wa mama nitawauliza swali. Un bébé qui dort dans le berceau. Mtoto mchanga ambaye analala. Et l'enfant qui commence à apprendre à marcher. Na mtoto ambaye anaanza kujifunza kutembea. Qui a besoin de beaucoup plus d'attention. Nani ambaye anastahili wamwangalie sana. Je n'entends pas. Si wasikie. Celui qui marche. C'est celui qui marche qui constitue les dangers. Ni ule ambaye anatembea ndiye anaweza kutana hatari. Parce que tu ne sais pas quand il va sortir, s'il va aller sur la route. Sababu ou bien s'il va aller là où il kwa barabara. Mais le bébé qui dort dans le berceau. Lakini mtoto mchanga ambaye analala. Tu viens seulement de temps en temps pour voir s'il dort. Unakuja tuone kama analala vizuri. S'il est réveillé, s'il a envie de téter. Kama anahitaji kunyonya na basi. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça. Na ni hivyo. Quelqu'un qui est vivant. Mtu ambaye iko hai. Il n'est pas inerte. Yeye habaki fasi moja. Alléluia. Amen. Et il constitue un danger pour les diables. C'est la raison pour laquelle le diable fait tout pour mettre toutes les batteries en marche en fait de l'empêcher d'atteindre les objectifs que le Seigneur a enseignés sur sa vie. Na yeye ni hatari kwa shetani na ndio maana shetani anaweka vipingamizi nyingi ili amzuize kutimiza shabaha ambayo Mungu ameweka juu ya maisha yake. Puisque le diable sait que cette personne-là est consciente de ce que le Seigneur a placé comme mission pour sa vie. Sababu shetani anajua kwamba huyu mtu anajua na nadhamiri ya ile ambayo Mungu ameweka juu ya maisha yake. Hallelujah. Amen. Notre passage que nous avons lu dans Josué, ces versets-là, cette phrase-là. Andiko letu hii msemo tuliosoma ndani ya kitabu cha Yoshua. A deux parties. Inakuwa na sehemu mbili. La première partie. Sehemu ya kwanza. C'est la promesse. Inakuwa ni ahadi. C'est une promesse. Ni ahadi. Que nous avons déjà même dans cette église. Ambao tumesha kuwa nayo hata ndani ya kanisa hili. Nil ne tiendra devant toi. Hakuna atakaye kupinga. Alléluia. Amen. Et la plupart des fois, nous lisons, nul ne tiendra devant toi. Et nous sautons cette partie ici et nous allons. Je serai avec toi. Na, tunakuwa kila mara, comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Kuwa na Musa, sita kuachilia, sita kutupilia. Tout ça sont des promesses. Na, hii yote ni ahadi. Mais la deuxième partie de cette phrase, sehemu ya pili ya une responsabilité. Inakuwa ni chukumu. C'est une responsabilité bien-aimée. Ni chukumu wapendwa wangu. Souvent nous aimons les promesses. Mara tunapenda sana ahadi. Mais nous oublions qu'il y a des responsabilités. Lakini tunasahau ya kwamba kuna chukumu. Pour que ces promesses là puissent se réaliser dans notre vie. Ili hizi ahadi zitimilike maishani mwetu. Le diable travaille d'arrache-pied pour nous empêcher d'arriver là où nous voulons arriver. Shetani anatumika usiku mchana ili atuzuize tufike mahali ambapo Mungu anapenda tufike. Et cette promesse na hadi hii doit susciter notre attention. Inapaswa kuleta angalisho letu. Et réveiller notre conscience. Na kusisimua dhamiri zetu. De savoir que na tujue ya kwamba comme Dieu a dit que nul ne tiendra devant moi. Jinsi Mungu amesema kwamba kuna atakayenipinga. C'est-à-dire que avant que Dieu dise que nul ne tiendra devant, c'est-à-dire que il y a des ennemis qui se tiennent devant moi pour essayer de m'empêcher d'avancer. Ni kusema Mungu anaposema hivyo kuna madoa ambao wako mbele yangu ili wanizuize kuendelea. Bien aimé, notre vie de chaque jour c'est un combat. Mpendwa maisha yetu ya kila siku inakuwa ni vita. Et ce combat a commencé depuis le jardin d'Eden. Na vita hivyo vilianza tangu bustani ya Edeni. Puisque le diable lui, il voyait loin. Sababu shetani alikuwa akiona mbali. Il voyait que cet homme que Dieu a créé à son image. Alikuwa anaona kwamba mtu huyu Mungu aliyemumba kwa mfano wake. C'est danger pour moi. Ni hatari kwa ajili yangu. Je me demande parfois si l'homme n'avait pas, si le diable n'avait pas réussi son coup sur l'homme. Na ninasema kwamba shetani hangeenda kumjaribia mwanadamu. Et que les hommes pouvaient se multiplier sur la terre sans qu'il y ait chute de l'homme. Na wanadamu wangeendelea duniani bila kuanguka kwa mwanadamu. Est-ce que le diable pouvait continuer à vivre sur cette terre? Je, shetani angeendelea kuishi kwenye dunia hii. L'homme saint. Donc, mwanadamu mtakatifu. Donc tous les hommes qui sont sur la terre, ils n'ont pas connu la chute. Et le diable est là. Ni kusema watu wote walio duniani hawakuanguka na shetani iko hapo. Le diable ne pouvait pas subsister. Shetani hangekuwa. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle. Na ndio sababu. Alitangulia. Il a précédé. Donc il a précédé l'homme pour dire non. Ni kusema alimtangulia mwanadamu. C'est le plan que Dieu est en train de prévoir pour cet homme ne puisse pas réussir. Akamtangulia mwanadamu akasema nitafanya mpango Mungu anaotayarisha juu ya mwanadamu huu usifaulu. C'est la raison pour laquelle il y a des dégâts qu'il fait par-ci par-là dans les vies des hommes et des femmes. Et lorsque l'ennemi est en train de mettre des pièges pour essayer de nous empêcher d'avancer, il n'a pas pitié de nous. Hatusikilie huruma. Il multiplie des stratégies. Anakuwa kizidisha mbinu. C'est comme si dans son gouvernement, il y a, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un ministère qui s'occupe de faire l'étude des stratégies. Comment ils vont empêcher l'homme à progresser? Ndani ya serikali ya shetani kunakuwa waziri ambao anakuwa akiangalia mbinu ambazo watafanya ili wampinge mwanadamu. Et le diable travaille d'arrache-pied pour t'empêcher d'aller dans le plan de Dieu pour ta vie. Na shetani anakuwa akitumika kila siku ila kuzuiza uingie ndani ya mpango wa Mungu juu yako. Il travaille pour arrêter ta vie. Anatumika ili asimamishe maisha yako. Il travaille pour nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Anatumika ili atuzuize kuingia ndani ya hatima yetu. Le diable, quand il veut nous empêcher, il ne le commence pas quand nous avons grandi. Shetani anapotafuta kutuzuiza haianze wakati tumekomaa. Il commence même avant que tu viennes. Anaianza hata kabla hujafika. Hallelujah. Amen. Il commence avant que tu arrives. Anaianza kabla hujafika. Il a commencé au jardin d'Eden avec nos parents Adam et Eve. Et il ne s'est pas fatigué. Et jusqu'aujourd'hui, il continue à le faire. Tout ça pour empêcher l'homme d'entrer dans sa destinée. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, il avait un plan merveilleux pour l'homme. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Lorsque Dieu nous a placés dans ce monde, ce n'est pas pour que nous puissions souffrir ce que nous sommes en train de souffrir. Mais tous ces malheurs que nous vivons là, c'est le diable qui les planifie. On en discute pas, il y a certaines choses que Dieu permet. Mais vraiment la plupart des souffrances, des malheurs, c'est le diable. Alléluia. Amen. Et il travaille dans tous les niveaux. Na anatumika kwa ngazi zote. Travaille sur les enfants. Anatumika juu ya watoto. Travaille sur les couples. Anatumika juu ya ndoa. Il travaille sur les hommes. Anatumika juu ya wanaume. Sur les femmes. Juu ya wanawake. Dans différents domaines de nos vies. Ndani ya uwanja mbalimbali za maisha yetu. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir. Na ndio sababu unaweza kuona. Les gens sont en train de faire des choses. Tu te poses la question, il réfléchit normalement ou qu'est-ce qu'il arrive? Watu wako wanafanya mambo na unakuwa ukifikiri, je, mtu anafikiri sawa ama namna gani? Je vous ai dit que la stagnation guette et les chrétiens et les païens. Na niliwaambia kwamba kubaki fasi moja na shambulia wa Kristo na wapagani. Puisque le diable n'est pas ami des païens. Sababu shetani si rafiki wa wapagani. Il est ennemi des païens et des chrétiens. Yeye ni adui wa wapagani na adui wa Kristo. Hallelujah. Amen. Il travaille pour garder les païens le plus possible dans les péchés afin qu'ils ne puissent pas parvenir à la repentance. Na anatumika ili awachunge siku nyingi wapagani ndani ya zambi na wasifikie kwa kutubu. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir quelqu'un, il a étudié, il est intellectuel. Apparemment, il réfléchit très bien. Na ndio maana unaweza kumuona mtu alisoma ni msomi na unaweza kufikiri mtu anafikiri vizuri. Mais quand vous lui présentez l'évangile. Lakini unapomletea injili. Qui paraît simple pour vous. Ambayo inaonekana kama rahisi nyepesi kwako. Il n'arrive pas à comprendre. Haelewe kitu. Vous vous demandez, il comprend bien la trigonométrie, la mathématique, il comprend. Unajiuliza huyu mtu anaelewa vizuri mahesabu kubwa kubwa. Il comprend la physique. Anaelewa vizuri physique. Mais lui dire que Jésus vous aime. Lakini kumwambia tu Yesu anakupenda. Ouvrez votre cœur. Ufungue tu moyo wako. Puisqu'il veut vous donner la vie. Sababu anahitaji akupe uzima. Il ne comprend pas. Hii mambo hayaelewi. Ça le dépasse. Na inamvuka akili kipimo. C'est le diable qui est en train de travailler pour que cette personne là reste seulement comme ça. Na ni shetani ndiye anatumika ili huu mtu abaki hivi. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 4 verset 18. Na Biblia inasema ndani ya Efeso 4 mstari wa 18. Ces gens-là, watu hao, qui ne connaissent pas le Seigneur. Hawamjui Bwana. Ils ont l'intelligence obscure. Akili yao imewekwa giza. L'intelligence est obscure. Akili yao imewekwa giza, imefunikwa. Vous savez ces gens-là? Unajua watu hao? Ils sont comme quelqu'un qui porte des lunettes fumées. Wanakuwa kama mtu ambaye anavaa mataratara nyeusi. Quelqu'un qui porte des lunettes fumées même quand il arrive là où il y a le soleil accablant. Mtu ambaye anavaa mataratara nyeusi hata anapofika karibu na jua ambao nawaka sana. Peut-être il peut juste le sentir sur son corps. Anaweza tu isikia kwa mwili wake. Mais il ne le voit pas. Lakini haione. Il voit comme si c'est le soir. Anaona kama ni jioni. L'intelligence est obscurcie, l'intelligence des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est la raison pour laquelle vous les voyez poser des actes. Vous vous demandez, cette personne, il est malade ou quoi? Quelqu'un part acheter la cigarette. On a bien écrit sur l'enveloppe. Qu'est-ce qu'on a écrit? Mais, et puis il est médecin. Na yeye ni docteur. Il connaît bien la conséquence de la cigarette. Na anajua vizuri matokeo mbaya ya sigara. Et le fabricant de la cigarette. Na aliyetengeneza sigara hiyo. Me rappelle. Anamkumbusha. Médecin, tu as étudié là-bas à l'école. Docteur, wewe ulijifunza huko shuleni. Que la cigarette tue. Ya kwamba sigara huua. Je te rappelle pour ne pas oublier. Na nakukumbusha ili usisahau. Il écrit ici. Anaandika chini. En bas de l'enveloppe. Mais tu vois le même médecin là, il prend, il fume. Lakini unaona ule daktari. vuta. L'intelligence est obscurcie. Akili yake imewekwa giza. C'est obscurcie pourquoi? Inafunikwa sababu gani? Ils sont étrangers à la vie de sababu Dieu. Wao ni wageni kwa Mungu. Il n'y a pas de vie hakuna à lui. Uzima ndani mwake. Il ne vit pas. Haishi. Il ne vit pas. Haishi. La Bible parle de l'homme qui ne connaît pas le Seigneur. Na Biblia inazungumzia mtu ambaye hamjui Mungu. Comme l'homme animal. Kama mtu ambaye ni mtu kinyama. C'est-à-dire qu'il peut agir comme un animal. Ni kusema anaweza tenda kama nyama. C'est la raison pour laquelle lorsque vous attendez qu'on a découpé les gens, on a éventré les femmes enceintes. Ndio maana utakuta wanatuelezea hadithi ya kwamba walikatakata watu. C'est l'homme animal. Walipasua tumbo za wamama. Ni mtu nyama. C'est l'homme animal. Ni mtu nyama. Qui est en train d'agir. Ambaye iko na. Qui a l'intelligence obscure. Ambaye akili yake imewekwa giza. Hallelujah. Amen. Tu vas voir, je vais rentrer. Je ne sais pas pourquoi je parle de médecin. Si tu es médecin, sache que le Seigneur est en train de te parler. Kama wewe ni daktari ujue ya kwamba Mungu yuko nakuzungumzia. Une femme vient à la consultation. Mama anakuja kwa kipimo. Elle est malade. Yeye ni mgonjwa. Est-ce que quelqu'un qui est à bonne santé peut aller à l'hôpital? Je mtu ambaye ana afya nzuri anaweza enda hospitalini? Cette femme là elle est venue, elle est malade. Mwanamke huyu amekuja anagonjwa. Elle vient chez le médecin pour la consultation. Na anakuja mbele ya daktari kwa kipimo. Elle est médecin prend la malade. Na daktari anachukua mgonjwa huyo. Il couche d'abord avec la maladie. Analala kwanza naye na ugonjwa wake. Mais il faut être fou. Wewe akose wewe ni mpumbavu. Ili ufanye mambo kama na haya. Le pasteur a donné un exemple qui m'a fait rire la fois passée puisque je me suis rappelé d'un cas que quelqu'un m'avait dit, m'a expliqué, c'était le cas qu'elle-même a connu. Na mchungaji alikuwa akizungumzia mfano mmoja akanikumbusha mtu mmoja aliyekuja niambia jambo aliyolisha. Die papa. Weni baba. Tu as un salaire de $50. Una mshahara wa dola makumi tano. Tu as une promotion. Na unainuliwa kazini. On te donne le salaire de $200. Wanakupatia mshahara wa dola 200. Et directement la première pensée qui vient dans ton cœur. Na hapo hapo wazo ya kwanza na kuja moyoni mwako. Pour tes $50 là. Ijapokuwa ile dola makumi tano. Tu sais bien tu es conscient que ça ne suffit pas. Unajua hakika ya kwamba haitoshi. Tu es bourré de dettes. Unajana madeni. Tu n'arrives même pas à payer les études de tes enfants. Na haulipe hata shule ya watoto wako. Tu payes à peine. Unalipa kwa mateso. Le Seigneur te fait grâce, on te fait monter à $200. Lakini Bwana anakuneemisha wanakupatia dola 200. Et la première pensée qui vient dans ta tête. Na wazo la kwanza linalokuja ndani ya akili yako. $200 c'est beaucoup pour une seule femme. Na dola 200 ni nyingi kwa mke mmoja. Il faut que j'ajoute une autre. Inaomba niongeze mke mwingine. Pour terminer les deux, puisque c'est beaucoup. Ili nimalize hii dola 200 sababu ni nyingi. Tu étais parti à l'école. Tu avais étudié même. Na ukasoma. Tu es intellectuel. Wewe ni msomi. Tu ne peux pas t'asseoir pour dire je vais faire un peu les calculs avec les dessins ici pour voir si ça va suffire. Je uwezi keti hata dakika kidogo ufanye hesabu uangalie kama ile dola 200 itatosha. Mais dès que ça entre dans la poche, au lieu d'abord d'aller à la maison, tu passes d'abord ici à vous connaissez le nom. Lakini napotufika ndani ya mfuko wako napitia kwanza kwenye bonde la kivuli cha mauti. Hallelujah. Amen. Le diable est en train, lui ne dort pas. Shetani aya lali. Il multiplie des stratégies. Anakuwa kizidisha mbinu. Tout ça c'est pour empêcher l'homme d'entrer dans le plan de Dieu. Na hii yote kwa kumzuiza mwanadamu aingie ndani ya mpango wa Mungu. Et nous qui sommes dans l'église. Na sisi sasa tulio kanisani. Nous qui sommes déjà sauvés. Sisi ambao tumeokolewa. Le diable est en train de faire la même chose. Shetani yuko nafanya jambo hilo hilo. Dans nos vies. Ndani ya maisha yetu. Vous savez que j'aimerais dire ça en swahili, toi tu vas traduire en français. Oui. Chez Christ, nous chrétiens, Dieu tu n'as pas choisi fondiche avant tout kizungu. C'est nous qui devons apprendre aux gens la civilisation. Kusiremuka. La civilisation, le développement. Mupagani miyazi niambia na sirimuka. Un païen ne peut pas me dire qu'il est civilisé. Mu Christ, njo musirimu wa kwanza. C'est les chrétiens qui ont le premier civilisé. Alléluia. Amen. Mais il y a des choses parfois que les chrétiens font. Donc tu te demandes, bon, il a lu quelle Bible? Na kuna mambo ambayo wa Kristo ufanya na unajiuliza yeye alisoma Biblia gani? Dans la parole de Dieu. Ndani ya neno la Mungu. Il y a tout ce qu'il faut pour que mtu asirimuke vandu. Kuna yote inayofaa pour que quelqu'un soit civilisé. Alléluia. Amen. Vous allez voir, il y a des chrétiens qui vivent selon la mentalité qui dit errer les pauvres en esprit. Utona kuna mkristo ambaye anaishi kufuatana na hii neno inalosema heri la Bible, wa maskini ndani ya roho. Pauvre en esprit. Biblia nasema wa maskini wa roho. La Bible n'a pas dit pauvre en argent. Biblia haikusema wa maskini kwa pesa. Alléluia. Amen. Errer les pauvres en esprit, non pas en argent bien-aimé. Heri wa maskini wa roho, hapana wa maskini wa pesa. Et quelqu'un qui a mal interprété la parole de Dieu. Na mtu ambaye hajui kutafsiri vizuri neno la Mungu. Tu vas le voir, il ne cherche pas du travail. Utaona hatafute kazi. Nous sommes en train d'aller au ciel. Tuko tunenda mbinguni. Nous sommes en train d'aller au ciel. Tuko tunenda mbinguni. Ana atanda d'aller au ciel. Lakini ukingoja kwenda mbinguni mpendwa. Il faut travailler d'abord pour ta vie. Inaomba utumike juu ya maisha yako. Amen. C'est le diable qui est en train de te garder dans cette situation-là. Pour que tu n'avances pas. Pour que ton intelligence ne se développe pas. C'est une manière d'agir du diable. Oh, mien, Mungu ashani chagua, mien, niko mutawa. Moi, je suis choisi par Dieu. Je suis pieux, je suis consacré à Dieu. Maombi. Et je dois rester toujours dans la chambre de prière. Et je vais prier pour vous. Vous savez, la Bible dit, on récolte ce qu'on a semé. Unajua Biblia nasema, unavuna ulichokipanda. Si tu sèmes la prière, ukipanda maombi, tu vas récolter l'onction. Utavuna upako. Alléluia. Amen. Si tu sèmes la prière, tu vas récolter l'onction. Ukivuna maombi, utavuna upako. Tu ne vas pas récolter l'argent. Hautavuna pesa. Et tu acceptes de rester dans cette situation. Na unakubali kubaki ndani ya ile hali. Bien aimé, c'est une limitation. Mpendwa, hii inakuwa kizuizi. Nous devons parfois savoir interpréter la parole de Dieu à la lumière du Saint-Esprit. Mara inapaswa tunaombwa kutafsiri neno la Mungu kufuatana na Roho Mtakatifu. C'est une façon du diable pour agir dans nos vies. Inakuwa ina shetani kutenda pour nous garder dans la stagnation. Ili atubakilishe fasi. Mais aussi pour ceux qui travaillent. Lakini, le diable aussi ne cesse de combattre nos affaires. Shetani anapiganisha wanaotumika ndani ya kazi zetu. Il nous combat. Anatupiganisha. Pour que nous ne puissions pas avoir de grandes entreprises. Ili tusiwe na makampuni makubwa. Tu vas trouver que c'est chez les chrétiens qu'on a volé. Utakuta ni kwa Mkristo ndipo walipoiba. C'est chez les chrétiens qu'on est venu détourner. Ni kwa Mkristo ambapo walikuja kuiba fedha. Quand les agents de l'État arrivent. Wakati watumishi wa serikali wafikapo. Ils peuvent tolérer d'attendre les autres, mais pas les chrétiens. Wanaweza kubali kuwachunga wengine watalipa baadaye lakini Mkristo hapana. Bien-aimés, nous sommes combattus. Tunapiganishwa. Nous devons nous réveiller. Na tunapasha kuamka. Nous devons nous réveiller bien. Tunapasha kuamka wapendwa. Puisque le diable multiplie des stratégies jour pour jour. Sababu shetani anakuwa kizidisha mbinu siku kwa siku. Aujourd'hui nous voyons les enfants dans la rue. Leo tunaona watoto barabarani. Ces enfants de la rue, je ne sais pas si je peux dire les enfants de la rue puisque la rue n'a jamais engendré. Sijui kama niseme kabisa watoto wa barabara sababu barabara haijazaa. C'est une stratégie du diable. Inakuwa ni mbinu ya shetani. Pour détruire les vies de ces enfants. Ili aharibu maisha watoto hao. Vous pouvez voir un enfant qui est bien dans la maison, dans la famille. Unaweza kumuona mtoto ambaye iko vizuri ndani ya jamaa ndani. Et puis un jour il se réveille seulement comme ça, il part dans la rue. Lakini siku moja anaamka anasema nitaenda barabarani. Vous lui posez la question, quelle est la raison qui fait que tu ailles dans la rue? Na unamuuliza ni sababu gani unaenda barabarani? Il ne sait pas expliquer. Na hawezi kufasiria vizuri. Tout ça sont des stratégies du diable. Na hii yote inakuwa ni imaginez-vous cet enfant qui est dans la rue qui a 10 ans. Sasa muone mtoto huu ambaye iko barabarani maibobo kwa miaka 10. Vraiment, à 20 ans, qu'est-ce qu'il deviendra? Miaka 20 atakapoifikia atakuwa namna gani? Donc quand enfant se retrouve dans cette situation, ni kusema mtoto anapokuwa ndani ya hali hiyo, si le Seigneur ne lui fait pas grâce pour être recueilli et être rééduqué, kama Mungu hamunemishe ili arudi ndani ya jamaa na umpe maadilisho mapya, sa destinée est détruite. Hatima yake inaribiwa. Et il va aller à côté, il va passer à côté. Na atapita pembeni ya hatima yake. Et une telle personne, quand on demande, les êtres vivants, na mtu kama na huo wanaposema les gens qui vivent, watu wanaoishi, est-ce que c'est lui la vie? Je ule mtu anaishi kabisa? Il ne vit pas. Haishi. Il ne vit pas. Haishi. Parce qu'il ne connaît même pas où va sa vie. Sababu wajui maisha yake yanaendea wapi. Bien aimé, ata archoa karchoise. Wapendo wana memba wa kanisa hili. Nous qui avons la promesse de mes avancées irrésistibles. Sisi tunayo ahadi ya kuendelea bila kupingwa. Nous devons savoir que pour que cette promesse soit une réalité dans notre vie. Tunapaswa kujua ili ahadi hii ikuwe ukweli maishani mwetu. Nous avons des responsabilités. Tuna jukumu ya kufanya. Et nous devons être conscients. Na tunapaswa kuwa na dhamiri. Qu'il y a le diable. Ya kwamba kuna shetani. Qui nous combat. Ambaye anatupiganisha. Qui multiplie des stratégies. Ambaye anazidisha mbinu. Qui détruit nos familles. Ambaye anaharibu jamaa zetu. Il entre dans nos familles. Anaingia ndani ya jamaa zetu. Il détruit nos familles. Anaharibu jamaa zetu. Il arrache notre mari. Il arrache notre épouse. Anaiba mke wetu. Vous savez wetu. Que lorsque le diable arrache votre femme, unajua wakati shetani anaiba mke wako, et que la femme est allée entre les mains du diable, na kwamba shetani anaenda kwa shetani, peut-être qu'elle a quitté le foyer pour commencer à aller se prostituer. Sasa moja ametoka unyumba ili aende kufanya ukahaba. Le diable n'attaque pas seulement cette femme. Shetani amshambulie tu mwanamke. Il t'attaque et toi. Amekushambulia wewe. Et ta progéniture. Na uzao wako. Alléluia. Amen. Puisque tu peux dire bon, c'est elle qui est partie d'elle-même. Sababu naweza kusema ni yeye mwenyewe ndiye alienda. Et puis tu dis bon, je pense que nous devons divorcer. Na najua unasema kwamba tutaachana basi. Ou est-ce elle qui demande? Ama yeye anaomba kuachana. Le divorce. Aujourd'hui c'est une monnaie courante. Leo inakuwa jambo ambalo linaonekana sana. Est-ce que vous aussi vous avez remarqué ça? Je umeigundua? Donc c'est comme si le divorce est chaque fois coûtant. C'est comme si le divorce est devenu une chose qui est. Ni kadongo tout, on va divorcer. C'est peu de choses. Kadongo tout, on va divorcer. Peu de choses, tu n'as vous divorcez pour faire quoi dans la suite? Munachana ili mufanye nini baadaye? Nous devons savoir que c'est une stratégie du diable pour nous détruire nos enfants. Tunapaswa kujua kwamba ni mbinu ya shetani kwa kutuharibu na kuharibu watoto wetu. Alléluia. Amen. Réconcilions-nous. Tu patane. Chaque fois qu'on célèbre les mariages ici. Kila mara tunaposherehekea ndoa hapa. Le département des femmes donne les balais. Kikundi cha wamama kinapana kifagio. Et nous expliquons à 10 ans. Na tunafasiria tukisema. Les balais partout. Kifagio hufagia mahali pote. Qui n'a jamais participé à un mariage ici? Nani ambaye haja uzuria kwenye ndoa hapa? Nibapatie le mafundisho ya ndoa. Pour que je vous donne les enseignements de mariage. Mutu mwenye haya kuyaka kundoa umu muarche. Mina penda jimani. C'est lui qui n'a jamais participé à un mariage ici à l'église. C'est peut-être pas un... Peut-être qu'il y a un mariage mwenye alifa mariage. Peut-être que tu n'as jamais eu un frère qui a fait le mariage ici ou une sœur. Mufamienu akia kwa mariage umu. Isha kwa fasi ingine pa na umu. Peut-être dans ta famille, il n'y a jamais eu de mariage dans cette église. Alléluia. Amen. Nous donnons les balais. Tunapana kifagio. Et nous disons que les balais c'est le symbole du pardon. Na tunasema kwamba kifagio hiki inakuwa ni alama ya msamaha. Pourquoi? Sababu gani? Parce que les balais. Sababu kifagio. Quand on applique les balais. Wakati unakuwa kifagia. Les balais ne refusent jamais. Kifagio akikatae. Si tu vas balayer sur les carreaux. Kama unafagia juu ya udongo ulaya. Les balais va balayer. Kifagio kitafagia tu. Si tu veux balayer les pierres. Kama utafagia mawe. Les balais balayent aussi les pierres. Kifagio kitafagia tu. Alléluia. Amen. Les balais balayent la chambre des enfants. Inafagia chumba watoto. Les balais balayent les chambres des parents. Kifagio kinafagia chumba wazazi. Ça balaye la cuisine aussi. Inafagia pia chumba cha kupigia ndani. Est-ce que ça balaye aussi les WC? Je inafagia pia cho. Ça balaye aussi les WC? Inafagia cho. Ou bien vous, dans vos maisons, vous avez les balais pour les WC, les balais pour les salons, les balais pour la cuisine. Ama ndani ya nyumba zenu mnakuwa na kifagio juu ya choo, kifagio ya mafiga, kifagio ya saloni. Les balais, balais partout. Kifagio ufagia mahali pote. Et si c'est les pondu, ça va balayer les déchets de pondu. Na kama ni majani ya sombe, tafagia tu. Si vous avez coupé même les ongles, ça balaye. Hata kama ulikata makucha, tafagia tu. Alléluia. Amen. C'est toi qui applique les balais. Na ni wewe ndio unayetumikisha kifagio. Les balais ne balayent pas de soi. Na kifagio chenyewe. Je suis en train de parler au couple. Niko nasungumzia ndoa. Le pardon. Msamaha. C'est comme les balais. Ni kama kifagio. Quand on les prend, unapoichukua, on peut l'appliquer partout. Unaweza kufagia mahali pote. Le pardon ne va pas refuser. Msamaha itakata. C'est nous qui prenons le pardon et qui l'appliquons. Ni sisi tunaochukua msamaha na tunaoitumikisha. Mais si toi tu refuses d'appliquer le pardon, lakini wewe ukikataa kusamehe, le péché va rester là. Zambi tabaki hapo. Si tu as l'habitude, si tu t'es dit, bon, et puis, comme le matin, on a fait les sombés, bon, à midi, on va manger les pommes de terre, et le soir, on va manger les bisamounyu. Kama unazoezi ya kusema asubuhi tulikula sombe, mchana tukakula viazi, na jioni tutakula bisamunyu. Et tous ces aliments-là ont des déchets. Na chakula hii yote inakuwa na maganda yake. Comme tu as fait les pondus, les matins, tu laisses là-bas. Na jisi ulitengeneza somba asubuhi na yacha les feuilles de patate douce vous trouvez les feuilles de na majani ya viazi takuta ile majani ya les feuilles de bisamunyo si on va venir ajouter là-bas maganda ya bisamunyo na utakuja unaongeza hapo puisque je vais balayer seulement demain sababu nitafagia tu kesho ta cuisine va ressembler à quoi mafiga yako itafanana nini. Il y a beaucoup de gens dont le cœur ressemble à cette cuisine-là. Kuna watu wengi ambao mioyo zao zinafanana na mafiga hayo. Tu ne veux pas pardonner. Hautaki kusamehe. Et le fait de refuser de pardonner, c'est ce qui amène au divorce. Na hii kukataa kusamehe ndio naacha nyumba zinaachana. Et tu dis je vais avancer. Cette année c'est l'année de mes avancées irrésistibles. Na unasema mwaka huu ni mwaka wa kuendelea kwangu bila kupingwa. Tu vas avancer pour aller où? Utaendelea ili uende wapi? Avec toutes ces saletés là. Pamoja na uchafu yote. Balaye d'abord. Fagia kwanza. Ne laisse pas au diable l'état de venir jouer dans ton couple. Usiache shetani apate muda wa kukuja cheza ndani ya ndoa yako. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas avancer tant que nous laissons au diable le terrain d'agir dans nos vies. Hatuwezi kuendelea kabla tungali tunamwacha shetani uwanja wa kutumika ndani ya maisha yetu. Appliquons le balai, le pardon dans tous les domaines de nos vies. Tumikishe kifagio cha msamaha ndani ya kila uwanja wa maisha yetu. Il t'a donné la ration de 500 francs. Au moment où tu as vu $100 dans sa poche. Amekupatia 500 ya kwenda kuuza chakula japo kwa umeona dola 100 mfukoni mwake. Pardon. Samehe. Il ne t'a pas montré les bulletins de paie. Hakukuonyesha karatasi ya kuonyesha mshahara wao. Pardon. Samehe. Tu ne connais pas le numéro de son compte? Je, haujui namba ya mali anawekea pesa? Pardon. Samehe. C'est pas la fin du monde de toutes les façons. Sio mwisho wa dunia. Alléluia. Amen. Vous savez que nous sommes des passagers sur cette terre. Mnajua kwamba sisi ni wasafiri duniani hapa. Et les choses là qui nous embrouillent. Na mambo haya yanayotusumbua. Ce sont des choses éphémères. Ni mambo ya muda. Qui vont passer. Ambayo yatapita. Que nous allons laisser très bientôt sur cette terre. Na mambo tutaacha hapa karibuni hapa duniani. Mais nous risquons de manquer le ciel. Lakini tunaweza kosa mbingu. À cause de ces choses. Sababu ya mambo haya ambayo yatapita. Et ça nous empêche aussi d'avancer. Na inatuzuiza kuendelea. Pour aller là où Dieu nous attend. Ili tuende ambapo Mungu anatuchunga. Alléluia. Amen. Nous devons être conscients que le diable nous attaque. Tunapaswa kujua ya kwamba shetani anatushambulia. Il multiplie des stratégies. Na anakuwa kizidisha kila mara mbinu. Hallelujah. Amen. Et la jeunesse. Na vijana. Vous connaissez comment le diable vous attaque. Mnajua jinsi shetani anawashambulia. Tu attends le mariage. Unangoja ndoa. Mais en attendant tu as un pinet de réserve là à côté. Lakini unakuwa na gurudumu ya kujisaidia hapo pembeni. Mais c'est le diable qui est en train de qui t'a envoyé ça. Lakini ni shetani ndiye alikutumia nayo. Et toi, tu es en train de l'entretenir. Na wa uko na mchunga. Mais tu dis, je vais avancer. Na unasema nitaendelea. J'avance vers mon mariage. Ninaendelea kwenye ndoa yangu. Quel mariage? Ndoa. Tu ne vas pas arriver. Hautafika. Parce qu'il y a quelque chose qui te tire là derrière. Sababu kuna kitu ambacho kingali kinakukokota huko nyuma. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque nous demandons à Dieu. Unajua wakati tunamuomba Mungu. Nous demandons le mariage à Dieu. Tunaomba Mungu atupe ndoa. Et que nous avons des copains. Na tunakuwa na warafiki zetu. Nous sommes comme ça. Tuko hivi. Tiens le micro. Nous sommes comme ça. Tuko hivi, tuna kitu mkononi. Seigneur, donne-moi le mariage. Bwana unipatie ndoa, unipatie mume wangu Bwana. Donne-moi mon mari. Unipatie mume wangu. Et le Seigneur regarde. Na Mungu anaona. Les mains sont occupées. Sasa mikono yako ina kitu. Et le mari, je vais le mettre où? Na mume nitamweka wapi? Alléluia. Amen. Tu veux tenter Dieu ou tu fais quoi? Unatafuta mjaribu Mungu wa manini. Alléluia. Amen. Laisse toutes ces autres choses là. Acha ile mambo yote. Regarde sur Dieu. Na muangalie Mungu. Et quand le Seigneur va voir que tu lui fais totalement confiance. Na Mungu atakapoona ya kwamba namtegemea hakika. Il va te donner. Atakupatia. Alléluia. Amen. N'acceptons pas que le diable puisse nous distraire. Tusikubali shetani atusubalishe. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Na Biblia nasema ya kwamba anakuwa kizunguka kama vile simba naye ngoroma akitafuta nani atamrarua. Et même là maintenant. Na hata hapa sasa. Il est en train de multiplier des stratégies. Anakuwa kizunguka. Il est en train d'étudier. Anakuwa kijifunza. Il a pris conscience hier. Anasema alichukua zamili jana. Dans tel domaine de ce blocage là que j'ai mis. Na il faut que je change de stratégie. Inomba nibadilishe mbinu. Bien-aimé. Mpendwa. C'est la raison pour laquelle. Na ndio sababu. Ce soir. Jioni ya leo. Nous devons chasser le diable. Tunapaswa kumfukuza shetani. Nous devons détruire tous ces blocages là. Tunapaswa kuharibu ile vipingamizi vyote. Il a placé dans nos vies. Ambao ameviweka maishani mwetu. Pour essayer de nous empêcher. Ili atuzuize. Nul ne tiendra devant toi. Hakuna atakaye kupinga. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est en train de tenir devant nous. Ni kusema kuna mtu ambaye iko na tafuta. Et ce soir, j'aimerais que tu puisses chasser tous ceux qui se tiennent devant toi. Na jioni ya leo ningependa uende ukafukuze yote ambao nakupinga mbele zako. Tous ceux qui t'empêchent d'évoluer. Yote na kuzuiza kuendelea. Tu essaies d'étudier la matière n'entre pas. Unajifunza lakini. Qu'est-ce qui ne va pas? Mafundisho yangu. Il y a le diable qui sait que si toi tu finis mal les études. Kuna shetani na kwamba wao kimaliza tu shule. Le poste là que tu dois occuper. Kazi ile ambayo unapaswa kutumika. C'est un poste stratégique. Ni kazi kubwa sana. Le diable veut te bloquer déjà partie des études. Na shetani anatafuta kusuluhisha kwa masomo. C'est la raison pour laquelle. Chaque fois que tu veux étudier. Unapotafuta kujifunza. Il y a le sommeil qui vient. Kuna usingizi. Tu te rappelles de ton ami là qui t'a appelé? Unakumbuka rafiki yako aliyekuita? Tu as vu l'appel en absence. Unaona kwamba alikuita. Chaque fois que tu veux lire la Bible. Na unapotafuta kusoma Biblia. Il y a des messages de WhatsApp. Kuna ujumbe wa WhatsApp unaofika. Je lis d'abord les messages de WhatsApp. Unasema nitasoma kwanza ujumbe kutoka WhatsApp. Il y a des messages importants auxquels il faut que tu répondes. Na unaona kwamba kuna ujumbe ya maana. Je réponds d'abord. Unasema nitajibu kwanza. Et puis je vais lire. Na kisha nitasoma. Et puis l'état passe. Na kisha muda unapita. Et puis les visiteurs arrivent. Na wageni nao wanafika kutembelea. Et puis tu pars accueillir les visiteurs. Unaenda kupokea wageni. Quand les visiteurs partent, l'autre entre. Wa mgeni anapo. Et tu devais aller à la réunion des femmes. Ungepasa enda kwenye mkutano wa mama. Et puis c'est ta maman qui t'appelle. Na kisha sasa mama yako anakuita. J'ai une urgence ici. Ninakuwa na kitu cha kufanya hapa haraka. Et le soir quand tu fais l'évaluation. Na jioni unapoanza sasa kufanya uchunguzi wa mambo uliyofanya. Au kutafakari neno la Mungu. Au kuomba. Et tu n'es même pas allé à la réunion des femmes. Na ukwenda hata kwa mkutano wa mama. Alléluia. Amen. Vous voyez comment le diable est en train de nous détruire. Unaona jinsi shetani yuko natuharibu. Pour nous garder dans la stagnation. Ili atuchunge ndani ya kubaki. J'aimerais que tu te lèves. Mpendwa ningependa usimame. J'aimerais que tu te lèves. Ningependa usimame. Ce soir, jioni ya leo, rassure-toi que uhakikishe ya kwamba ce diable là qui t'empêche d'avancer. Huyu shetani anayekuzuiza uendelee. Qui veut te garder dans la stagnation. Ambaye anapenda kubakilisha fasi moja. Rassure-toi que tu es en train de le chasser ce soir. Uhakikishe ya kwamba unamfukuza jioni ya leo. Manake il faut namukomesha. Et il faut que tu dises aujourd'hui tu arrêtes. Et de telle façon que il ne reviendra plus. Hata rudi tena hata siku moja. Alléluia. Amen. Commence à aller dans la prière. Ingia sasa ndani ya maombi. Commence à prier. Anza kuomba. Commence à prier. Anza kuomba. Commence à prier, bien-aimé. Anza kuomba mpendwa. Le diable est là. Shetani huyo. Il t'a longtemps gardé dans la stagnation. Amekubakilisha fasi. Il a multiplié des stratégies. Na amekuwa kizidisha. Pour essayer de détruire ta vie. Ili apime kuharibu maisha yako. Il continue à te garder dans le péché. Anaendelea kukuchunga ndani ya dhambi. Pour que tu n'avances pas. Ili usisonge mbele. Bien-aimé, fais une prière d'autorité. Tendo fanya maombi. Tu vas arrêter le plan du diable. Tu vas détruire le projet du diable contre ta vie. Tu vas détruire ses stratégies. Toutes ses stratégies qu'il essaie de multiplier. Va dans la prière. Ingia ndani ya maombi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les stratégies du diable dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, j'ai détruit toutes sortes de stratégies, tout plan du diable dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'arrête tout ce qu'il essaie de multiplier comme stratégie. J'arrête tous ces plans. Au nom